Don Graviel Alférez, Fantaisie maritime, par Gabriel de Lalandelle. Chapitre 1er. Monologue et dialogue. S'appeler Don Graviel, Badajoz y Serrano y Lopez. Avoir au juste 25 ans, 5 pieds, 4 pouces, 2 beaux yeux, un air martial rehaussé d'une magnifique paire de moustaches noires, plus le grade d'enseigne de frégate dans l'armée navale de Sa Majesté catholique, à raison de 50 piastres fortes par mois, ce qui ferait incontestablement 600 piastres par an si on nous payait, avoir titre et qualité de créancier de la couronne pour 3 années de cette superbe solde, devoir du reste 6 fois autant, et d'autre part être la fleur des cavaliers d'Estramadur, la perle des manœuvriers de l'escadre, le rubis des académistes de toutes les Espagnes, et sans contredit le plus amoureux des mortels jetés par le sort dans la cité de la Havane, c'est parbleu bien quelque chose. C'est même un peu plus que rien, attendu la ration que le munitionnaire royal nous délivre matin et soir. Mais, pour tout blason, patrimoine, meubles et immeubles présents et à venir, ne posséder que sa bonne mine et l'épée d'un officier de fortune, si bien trempé que soit l'homme et la lame, il faut, hélas, en convenir, ce n'est pas le Pérou, non. Me croire qui voudra, les espérances ne sont pas belles. Lorsqu'au résumé, l'on n'a pas un maravedi vaillant à offrir à la fille unique de l'illustrissime Don Antonio Barzón, marquis de Las Hermaduras y Famarotes, grand d'Espagne, brigadier des armées de Sa Majesté, commandeur de ses ordres et gouverneur général de l'île de Cuba et dépendance. Il est vrai, par exemple, que le dit seigneur est bien le père le plus brutal et le plus maussade des barbons qu'ait produit notre chère patrie. Il est vrai, par contre, que je suis empressé, galant, bien fait de ma personne et fort amusant auprès des jeunes filles, surtout quand je les aime. À quoi servirait une sotte modestie? De Pamplune à Cadiz, de la Trinité espagnole à Mexico, Juana chercherait inutilement mon pareil. Or, sur mon âme, je crois qu'elle le sait. Comment d'ailleurs expliquer autrement ces tirades de ce soir en faveur des aventuriers, des flibustiers et des corsaires? Grave sujet, livré à mes méditations, et qui me décide à jouer quitte ou double le plus tôt possible. Tel est l'exorde et l'échantillon d'un long monologue que s'adressait Don Graviel Badajoz y Serrano y Lopez au sortir du palais de son Excellence, le gouverneur de La Havane. Il était environ 1 heure du matin. Les carrosses et les volantes roulaient à grand bruit dans les rues, éclairés seulement par les torches de noirs esclaves qui accompagnèrent leur maître logis. On sait par quel motif l'enseigne de frégate allait à pied et sans escorte. Aussi avait-il prudemment dégainé son sabre suivant l'usage des piétons. Plus prudemment encore, il se tenait au milieu de la rue, l'œil et l'oreille au guet, surtout quand il s'agissait de traverser quelques carrefours. D'épaisses vapeurs cachaient les étoiles. La lune était nouvelle et la police fort mal faite, autant de raisons pour ne rêver que de l'esprit. Un bandit peu au fait des usages du trésor royal aurait pu espérer que la poche d'un officier de marine contenait sinon des quadruples et des doubles pistoles, au moins un nombre net de gourdes et de piécettes à colonne. Don Graviel tenait à n'exposer aucun industriel nocturne à un triste mécompte, lui qui s'était vu dans l'impossibilité de risquer un pauvre douro sur le tapis vert du gouverneur. Cette cruelle nécessité l'avait rangé parmi les infatigables. Il n'avait pas manqué une danse libanaise, espagnole ou française, pas un boléro, pas un fandango, pas un quadrille. Don Juanita lui en fit compliment. « Je vous félicite, seigneur Badajoz, dit-elle, de votre brillante ardeur, et je suis aise de vous voir renoncer au jeu. Comment pourrais-je chercher d'autres émotions lorsque j'ai le bonheur d'être près de vous? Tous les trésors du monde ne valent pas un de vos sourires, divine Juana. Si j'avais les galions d'Espagne en mon pouvoir, je les donnerais pour un de vos regards. » Il fut un temps, répondit Juanita, où les cavaliers ne se bornaient pas à parler de galions dans les bals. Ils savaient leur courir sus en pleine mer. Si, pour vous plaire, il suffit d'être fort bon, j'y perdrai mon nom, ou je le serai avant 8 jours, répliqua Don Graviel en retroussant sa moustache. Juana repartit d'un petit éclat de rire. « Caramba, dit-elle, pour la rareté du fait, je vous mettrai volontiers au défi, monsieur le Matamor. Et je l'accepterai, aussi vrai que vous êtes la reine du bal et la plus digne d'être adorée. »« Prenez garde qu'on vous entende, » interrompit Juana en baissant la voix. « on croirait que je vous autorise à tant d'audace. « Ne craignez rien, âme de ma vie, » reprit Don Graviel avec chaleur. « On me prendrait point fou d'oser parler ainsi à la fille du marquis de la Serre Maduras. Et l'on ne se tromperait pas. Je suis fou d'amour, fou allié. Je ne pense qu'à vous. Je ne vis que de l'espérance de vous voir. » La nuit, à bord de la frégate, c'est à vous que j'adresse toutes mes pensées, tous mes vœux, tous mes soupirs. J'ai fait en votre honneur plus de 50 sonnets que je ne vous offrirai pas, car ils ne valent rien, mais j'ai fait aussi une petite romance que vous me permettrez de vous apporter. N'est-il pas vrai, Juanita ? Savez-vous, seigneur cavalier, murmura la jeune fille effrayée, que si mon père vous entendait, votre vie même serait en péril. Et savez-vous, répliqua Don Graviel, que lorsqu'on a résolu de se faire forban, on se rit des colères de tous les gouverneurs du monde, fussent-ils 10 fois grands d'Espagne et 20 fois plus sévères que son excellence Don Barzon. Comment ? Demanda Juanita. Ne faisiez-vous pas à l'instant l'éloge des aventuriers et des corsaires ? Ne parliez-vous pas avec enthousiasme, il n'y a pas une heure, des exploits des frères de la côte ? N'avez-vous pas soupiré en disant « Ah, si les Castillans d'aujourd'hui étaient gens de cœur, ils prendraient leur revanche, et ce serait leur tour d'écumer la mer aux dépens des ennemis. » Ces paroles, je vous le jure, n'ont pas été perdues. « Sérieusement ?» reprit la jeune fille d'un air moqueur. « Sérieusement, Juana, comme je vous aime de l'amour le plus passionné. » « Silence donc, vous dépassez les bornes ce soir. Si vous continuez, je ne danserai plus avec vous. »« Mille pardons, señorita, » poursuivit l'enseigne d'un ton dégagé. « Ne prenez pas votre mine boudeuse, vous savez que j'en raffole. »« Pour peu que vous fronciez encore ce sourcil de madone, il n'y a pas d'extravagance que je ne fasse. Dû le seigneur Don Barzon me couper en 4 quartiers comme une pastèque. »« Vous êtes bien toujours le même, » répliqua la rieuse jeune fille, en levant sur l'alférèse ses grands yeux noirs. « Vous plaisantez quand vous devriez être confus et repentant. En âme et conscience, si nous n'étions pas entourés de monde, je me jetterais à vos pieds. J'implorerais à genoux mon pardon en portant à mes lèvres cette jolie main. Que vous osez me retirer, car c'est à nous d'aller en avant. Et ma foi, j'aimerais mieux cette attitude que celle dont il faut bien me contenter, hélas. C'en est trop, taisez-vous, je l'ordonne. « Quand je serai capitaine corsaire, vous serez, j'espère, moins cruel envers votre esclave ?»« Peut-être, » dit imprudemment la jeune fille, que la pantomime plaisante de Don Graviel désarmait malgré tous ses efforts. « Peut-être, je prends note de la réponse. D'ici à la fin de la semaine, il pourrait être utile de vous la rappeler. »« Allons donc, trêve de menterie. »« Très bien, » dit légèrement Don Graviel. « À la messe de minuit, le jour de Noël, vous verrez si je mens. » « C'est décidément le jour de Noël que vous passez, capitaine corsaire. »« Jusque-là, permis à votre grâce d'en douter, mais alors ?»« Alors, qu'adviendra-t-il, s'il vous plaît ?» demanda ironiquement la jeune fille. « Qui vivra, verra !» répondit gravement Don Graviel en la reconduisant à sa place. Puis, tandis que les riches habitants, les dignitaires coloniaux et les dames de la Havane se retiraient avec le cérémonial d'usage, le jeune alférez s'esquiva discrètement, non sans avoir salué d'un amoureux regard la charmante Juanita, qui fit semblant de ne l'avoir pas remarqué. Après une multitude de digressions, Don Graviel, qui poursuivait sa route en brandissant son sabre, conclut en ces termes « Forban, corsaire, flibustier, soit, l'on ne peut être pendu qu'une fois, et Juanita vaut bien la peine qu'on en encourt la chance. » Le problème était loin d'être résolu, mais la détermination était prise. Restait à trouver les moyens d'exécution. Or, le jeune enseigne s'ingéniait à débrouiller un chaos de projets étranges lorsqu'il crut apercevoir dans l'ombre un individu caché sous un porche à peu de distance du quai. « Hola ! » cria Don Graviel. « Ah, c'est le lieutenant !» dit avec humeur un homme qui remit dans sa ceinture un énorme coutelas. « Que diable faisais-tu là, maudit coquin ? » reprit l'officier. « Tu devrais être au canot à m'attendre. » « Je vous attendais aussi, mon lieutenant. J'étais bien sûr que vous passeriez par ici pour allier l'embarcation. Mais enfin, que faisais-tu sous cette porte cochère, maître Brimolio ?»« Rien, rien du tout, seigneur Badajoz. Je parierais, brigand, que tu guettais l'occasion de dévaliser quelque honnête bourgeois. Que signifie ce long couteau ?»« Vous croyez donc qu'il y ait des bourgeois honnêtes dans ce pays-ci ? » dit le marin. « Ma foi, tant pis pour eux. S'il faut vous dire vrai, je cherchais le moyen de me procurer un peu de tabac. Être à La Havane, mon officier, et n'avoir pas un misérable cigare à fumer une fois le temps, ce serait capable de damner un saint du paradis. Si encore on nous payait seulement un mois sur quatre, ou bien si l'on nous envoyait croiser au large contre les Anglais, on prendrait patience. « Camarade, » dit l'officier qui se radoucit tout à coup, « tu m'as l'air d'avoir la conscience large. Sauf meilleur avis, mon lieutenant, le trésor qui ne nous paye pas doit l'avoir plus large encore. Je me serais contenté, je vous jure, de la moindre chose, de 2000 euros, d'une couple de piécettes, d'un réal au pis-aller. Il n'est pas défendu de demander l'aumône quand on est pauvre. » « Oui, » reprit Don Graviel en riant, « demander l'aumône, un poignard à la main, à 2 heures de la nuit. C'est que les riches ont l'oreille et le cœur si durs. » Maître Brimbolio était un vigoureux marin, taillé en Hercule, carré, bronzé, velu, barbe et cheveux noirs tirant sur le roux, œil fauve, physionomie renfrognée. Au demeurant, excellent matelot et en possession d'une grande influence sur le gaillard d'avant. Il faisait office de second contremaître à bord de la frégate à Santa Fe, dont l'enseigne Don Graviel était 4e lieutenant. « Et tu aimerais, dis-tu, continua ce dernier, tu aimerais appuyer la chasse aux Anglais ?»« Aux Anglais ou à d'autres, je n'ai pas de préférence. Si je parle des Anglais, c'est parce qu'on est en guerre avec eux. Mais crois-tu que dans la frégate, tu trouverais une 50aine de gaillards, de ton avis ?»« Je n'aurais qu'à lever le pouce pour en emmener 100, cette nuit même. » Don Graviel, pour toute réponse, lâcha un juron admirablement guttural. Oui, seigneur Badajos, continua Brimbolio. D'un mot, d'un signe, j'entraînerai les 100 plus solides de l'équipage. Ah, mon Dieu, si nous avions trouvé un officier pour nous commander, depuis longtemps nous courions bon bord avec ou sans la frégate. Par malheur, nous ne savons pas calculer le point, nous autres. Alors on se résigne, on fait son petit service et on attend. Chacun des deux interlocuteurs eût été bien aise de lire sur les traits de l'autre, mais il faisait nuit. Don Graviel en savait assez, maître Brimbolio s'était avancé suffisamment. Si pour mauvais destin, pensait-il, l'alférez Badajos tourne contre moi ce que je viens de lui dire, son indiscrétion lui coûtera cher. Un coup d'œil jeté sur le coutelas fut le commencement de cette agréable réflexion, après laquelle le patron et l'officier embarquèrent dans le canot. La Santa Fe était mouillée fort loin de l'embarcadère. Pour s'y rendre, il fallait passer au milieu d'une foule de bâtiments marchands, de négriers et de légers navires sur lesquels l'alférez laissait errer des regards de convoitise. Il examinait surtout d'un œil d'envie un long brick goélette ancré à l'écart. Le Capricoso, tel était son nom, avait l'avant effilé comme un poignard, le corps ras sur l'eau, la mâture audacieusement inclinée sur l'arrière, le corsage noir, la ceinture rouge. Il présentait on ne sait quelle analogie avec un reptile ou un oiseau de proie. On aurait dit d'un dragon, d'un milan ou d'un aigle de mer. La lueur phosphorescente de la marée montante qui se brisait à son étrave permettait d'admirer la finesse de ses formes. « Joli morceau de bois, » murmura maître Brimbolio. « Ces voiles sont-elles enverguées ?» demanda l'officier à voix basse. « Oui, capitaine, » répondit avec affectation le patron du canot. L'enseigne tressaillit en s'entendant donner ce titre inaccoutumé. Une demi-heure après, il faisait réveiller son ami Fernando Ribalosa, garde-marine qui remplissait les fonctions de 5e lieutenant sur la Santa Fe. Fernando avait 28 ans passés. À son début dans la carrière, il s'était versé de l'espoir de faire son chemin. Comme tant d'autres, il avait rêvé d'épaulettes d'amiral. Plus tard, il s'était contenté de désirer le grade d'enseigne de corvette. Depuis 6 ans qu'il n'ambitionnait plus rien, il occupait ses loisirs à pêcher à la ligne. Il avait passé, comme on voit, par tous les désenchantements du métier. C'était du reste un garçon plus froid que glace, tempérament nerveux au bilieux qui défiait la fièvre jaune, maigre et sec, ne riant jamais, et n'en étant pas moins dévoué corps et bien au plus joyeux des écervelés, c'est-à-dire à Don Graviel Badajos. « As-tu peur d'être pendu ?» lui demanda brusquement celui-ci. « Est-ce pour me faire cette sotte question que tu me fais monter ici à pareille heure ? Ma question n'est pas si sotte qu'elle en a l'air. Réponds-moi catégoriquement. Eh bien non, dit le garde-marine. Après, c'est que j'ai un projet où tu figures en première ligne et qui peut mener droit à la potence. Ah, il ne s'agit rien moins que de débaucher une partie de l'équipage, de s'emparer du brick goélette que tu vois là-bas, d'aller avec faire la course et avant tout d'enlever la fille du gouverneur, Dona Juanita de las Hermaduras, dont je suis amoureux fou. Tiens, c'est drôle, dit Fernando. Veux-tu me donner un coup de main ? Pour la goélette, oui, Pour la fillette, non. Que diable ferions-nous dès l'abord? Ne me parle pas des femmes, j'aime mieux les poissons, ils sont muets. Je suis amoureux, te dis-je. Tant pis. Et je n'ai combiné l'affaire que pour l'amour de Juanita. Fernando haussa les épaules. C'est-à-dire que tu m'abandonnes? Tu m'insultes. Alors, tu consens à tout? Il le faut, parbleu bien. Tu es un ami sans pareil, s'écria Don Gabriel enchanté, qui voulut se jeter au cou de Fernando. L'autre le repoussa carrément. Quand un Espagnol est flegmatique, il déconcerterait un Hollandais. As-tu un cigare? Demanda le garde-marine. Hélas, non. Eh bien, bonsoir. Ne t'en va pas, reprit vivement Gabriel. Causons un peu de nos préparatifs. À quoi bon? Plaisante demande. Que diable, il faut un plan. Fais-le tout seul. Tu donneras la consigne, j'exécuterai. Là-dessus, Fernando retourna se coucher et s'endormit du sommeil du juste. Quant à Don Gabriel, il ne put fermer l'œil.